C'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand. Salut Michel. Salut Denis. Michel, d'abord, si on y allait avec ce qui s'est passé en fin de semaine, c'était la grande finale de la Coupe des champions en fin de semaine. Exactement. C'était les quatre gagnants de chacune des qualifications dans les trois classes qui disputaient la finale. OK. Et malgré une température très, très mauvaise, beaucoup, beaucoup de pluie, surtout le premier 9. Ouais. On a eu droit à des très belles performances. OK. Dans la classe A, Andrew Scapio avec la normale 72. OK. En classe 2B, Régis Perron 80. Et en classe C, Vincent Nollet 95. OK. Donc, il y avait 12 joueurs, je pense, si je m'amuse. Hein? Il y avait 12 joueurs. OK. Dans trois classes, quatre gagnants de chacun des tournois de qualification. OK. Donc, c'est encore une fois, c'est une belle formule, ça, hein? C'est une formule qui est bien appréciée par ceux qui aiment la compétition. Ouais. Peu importe le niveau, parce qu'on a des classes, okay. Mais c'est vraiment, là, c'est du score brut, puis c'est de la bonne compétition. Bon. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Maintenant, si on y allait avec ce qui s'est passé je pense que c'est le championnat du club déjà en fin de semaine. Hein? En fin de semaine, mais c'est le championnat du club, oui. Ouais. Donc, quatre classes chez les hommes, trois classes chez les dames. Okay. Il devrait y avoir une cinquantaine de participants et participantes, okay, selon la température. Ouais. Mais c'est une formule compétition sur deux jours, 36 trous individuels. Un autre beau championnat. OK. Donc, on va regarder ça aussi. Et Pierre-Alexandre Bédard également, qui a disputé son premier tournoi. Ça a bien été. J'y ai parlé cette semaine. Très content. 21e place. Oui, surtout que, dans le fond, c'est un mauvais trou. Ouais. À sa troisième ronde, au dernier trou, le 18e, il a inscrit un quadruple bogey. Okay. Sinon, il aurait fini dans les 10 premiers sur 130 joueurs. Donc, là, il a terminé 17e. Il est très satisfait. Ouais. Puis, dans quelques heures, il va reprendre le départ à Saint-Georges-de-Beauce pour un autre tournoi professionnel sur 4 jours. OK. Donc, fait que on va surveiller ça aussi. Hey, dis-moi, la rentrée est pas mal faite, donc j'imagine que c'est tranquille, c'est terrain de golf, hein? Oui, c'est doux. C'est sûr que fin septembre, ça commence à être plus tranquille. Oui, OK. Les gens reprennent le beat d'automne, donc ça va un petit peu moins, mais on a encore beaucoup, beaucoup de beaux événements pour aller jusqu'au 24 septembre. Ouais. Après ça, on va terminer les activités, mais le parcours va demeurer ouvert. Donc, jusqu'à l'action de grâce. Ouais. Ben, ça fait le tour pas mal pour cette semaine, hein, Michel? Ça fait le tour pour cette semaine, Danny. Toujours un plaisir. OK, on s'en reparle jeudi prochain. C'est à la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand. Merci, Michel.